Ok, de phase en phase B, de phase en phase B. Yeah. Laisse-moi kiffer l'instru. Ok. Ok, kick the mic. T'as compris, 1 million, je claque des doigts, ouais, je suis hors prix, jamais bloqué, comme en forfait mobile, toujours OP, je recommence de phase en phase B, donc ne fais pas de bill, si tu me fasses de has-been, c'est que j'ai été, on veut aller au bout, même sans auto, j'étais made, dans tes yeux, j'ai compris la détresse, DKS Estras, prends un DK Estresse, et Aya va le confirmer, j'ai un peu trop de flow, dis au compte filmé, yeah, même pas fini une mixtape, j'attaque une autre, ce n'est que DKSS, fais péter les notes, ce n'est qu'un passe-temps, pas besoin de caster, on dit tu es pas tant à deux casques près, hey, mais vous vous attendiez à quoi? Serre-moi un verre de Schweppes, j'aurais pas à libérer si j'ai le swag à peps. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, quoi que tu dises, quoi que tu fasses, DKS Estras, pas le temps pour les essais, ce n'est que DKS et je ferai le nécessaire. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, quoi que tu dises, quoi que tu fasses, DKS Estras, pas le temps pour les essais, ce n'est que DKS et je ferai le nécessaire. J'ai trop de choses à dire, on est en 2011, fais péter un morceau de lire, speaking, mais je suis toujours 666, je ferai du classique le jour de la sortie, c'est aussi 666, sérieusement, de quoi veux-tu que j'ai peur, une fois de plus, ouais le DJ Fleur, je suis le Mister, j'arrache tout depuis aller au bout, j'ai Mister, venez en joue. En plus ce n'est qu'un passe-temps, je pourrais pas faire sans, j'ai des textes perçants, ça m'occupe les versets, je compte en faire sans, j'ai le projet de percer, je veux être comme personne, je peux sans rien, réussir mes projets, Richard Dean Anderson, et pourquoi continuer, mes textes je sélectionne, je serai pas prêt à tuer, ce n'est qu'avec mes mots, que les MC je sectionne. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, quoi que tu dises, quoi que tu fasses, DKS Estras, pas le temps pour les essais, ce n'est que DKS, je ferai le nécessaire. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, quoi que tu dises, quoi que tu fasses, DKS Estras, pas le temps pour les essais, ce n'est que DKS, je ferai le nécessaire. Une fois de plus, je liste la victoire, Esther, toi tu veux aller au bout, avec un flow en polyester, restez à vos marques, partez, je suis Space, tu l'auras. Remarqué, I like the way she do it. Et puis c'est tout, de face en face B, le hit, je vise les tours. Je suis déter, je fais le détour. Aucun critère, là-haut j'étouffe. Surbooké, je veux les textes et du luxe. 2K, focalisé, là les tapes. Ok. Ok. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, quoi que tu dises, quoi que tu fasses, DKS Estras, pas le temps pour les essais, ce n'est que DKS, je ferai le nécessaire. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, quoi que tu dises, quoi que tu fasses, DKS Estras, pas le temps pour les essais, ce n'est que DKS, je ferai le nécessaire. I like the way she do it. I like the way she do it. Dédicace à G-Unit.